n'aimes pas les nouvelles danses, ni les films de suspense. Tu aimes mieux un beau jardin, avec moi main dans la main, sentimental. Moi ça m'est égal. Tu n'aimes pas les boîtes de nuit, et les cocktails t'ennuient. Tu aimes mieux le ciel bleu, me regarder dans les yeux, sentimental. Moi ça m'est égal. Tu aimes les clairs de lune et les poèmes. Et tu rougis quand je te dis je t'aime. Ton cœur danse une valse à trois temps. Tous mes amis crient au scandale. Comment une fille de 20 ans sentimentale. Moi ça me tue. L'éclair de lune et les poèmes. Et tu rougis quand je te dis je t'aime. Tu es sentimental, vraiment comme on ne l'est pas. Mais on peut dire tout ce qu'on voudra. Jamais personne ne m'aimera sentimental. Moi ça me tue. Moi ça me tue. Moi ça me tue.